Section 32 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième partie, chapitre 1. Il y avait 4 années que Charlotte et Emmanuel étaient partis de France lorsqu'ils débarquèrent à Marseille. Pendant ces 4 années, ils n'avaient pas quitté leur yacht, pour ainsi dire, non qu'ils fussent toujours restés en mer, mais ils ne s'étaient fixés nulle part. Et aussitôt qu'ils avaient visité un pays, ils l'avaient abandonné pour passer à un autre. Lorsqu'ils avaient laissé derrière eux les côtes du Morbihan, la crique avait mis le cap sur la Corogne, et ils avaient commencé par l'Espagne et par le Portugal, ce voyage qui devait durer si longtemps. Pendant les premières heures de mer qui avaient suivi leur départ, une sorte d'apaisement s'était produit dans Charlotte, et ses nerfs s'étaient peu à peu relâchés. La contemplation du ciel et des eaux, la solitude au milieu de l'océan, le mouvement des vagues, les oscillations régulières du navire, l'air frais et fortifiant qu'elle respirait, tout s'était réuni pour calmer la fièvre de sa douleur. Sans doute la solitude qu'elle avait trouvée sur ce navire n'était pas absolue, mais elle avait été assez grande néanmoins pour lui permettre de se recueillir dans un certain isolement. Et la nuit venue, elle avait pu se retirer seule dans la cabine qui avait été réservée à son usage personnel. Mais ce que ce voyage avait eu surtout de salutaire, ça avait été de l'arracher au milieu dans lequel s'étaient écoulés les derniers moments de son père. Si absorbé que soit notre esprit, il se laisse prendre aux choses qui nous entourent, et par là nous sommes forcément entraînés à des distractions qui rompent le cours de nos pensées. Dans la maison paternelle, chaque pas qu'elle eût fait lui eût rappelé un souvenir, et partout ses regards eussent vu son père. C'était là qu'il venait s'asseoir. Ce livre était resté ouvert à la page qu'il avait lue avant de mourir. Ce pli au rideau, c'était lui qui l'avait fait en regardant chaque jour à cette fenêtre le mouvement de la marée. Mais ce brusque départ avait produit un autre résultat encore, et non moins heureux. Il est en effet un état nerveux que connaissent ceux qui ont éprouvé une profonde douleur causée par la perte d'une personne aimée qu'on soignait. Tout à coup, au tracas et au tumulte de la maladie succède un calme morne. C'est fini, mais les nerfs surexcités par l'inquiétude autant que par les fatigues restent tendus. Que dans la maison, maintenant silencieuse, un bruit de pas résonne brusquement, qu'une porte se ferme, qu'un meuble tombe, et l'on ressent une commotion horriblement pénible qui vous rejette dans les anciens jours. La navigation sur la crique avait supprimé ces commotions pour Charlotte. Tout était changé autour d'elle, tout était insolite. Point de repos trompeur, point de silences inquiétants, le mouvement et la vie d'un navire en marche. En débarquant à terre, elle avait été prise par les distractions du nouveau, et, bon gré, mal gré, elle n'avait pas pu rester repliée sur elle-même. Il avait fallu lever les yeux, ouvrir les oreilles, subir l'entraînement de l'imprévu et de l'inconnu. Après le Portugal, ils étaient passés au Maroc, puis en Algérie, puis à Tunis. Puis ils avaient visité les îles de la Méditerranée, la Sardaigne, Malte, Corfou, l'archipel, les côtes de l'Italie et de la Grèce. Les premières journées de ce voyage avaient cependant été assez difficiles pour ces deux jeunes mariés, et leur tête-à-tête assez embarrassant. Si confiante que Charlotte fût dans l'engagement pris par Narbonton, elle n'en avait pas moins été troublée quand elle s'était trouvée seule sur ce navire avec celui qui, après tout, était son mari. « Je vous reçois des mains de votre père, avait dit Emmanuel, mais c'est de vous seul que je veux vous tenir. Ce qui fera notre mariage, ce sera votre consentement, quand vous le donnerez, librement. » C'était là pour elle un sérieux motif de sécurité, car Narbonton n'était pas homme à manquer à sa parole. Mais en prenant cet engagement, il ne s'était pas interdit le droit de provoquer et d'obtenir ce consentement. Quels moyens emploierait-il pour cela ? La question s'était posée pour elle d'autant plus pressante qu'il y avait dans l'attitude de celui-ci, qui n'était encore son mari que de nom, une contrainte peu rassurante. Pourquoi cette gêne? Pourquoi ces paroles hésitantes? Pourquoi ces regards qui se détournaient tout à coup, s'il n'y avait pas en lui une arrière-pensée? Il l'aimait. Pourrait-il se tenir longtemps enfermé dans le silence qu'il s'était imposé? Que répondrait-elle s'il voulait parler? Comment se défendrait-elle? Avait-elle même le droit de se défendre contre son mari? Bientôt, néanmoins, elle avait vu qu'elle se pouvait pleinement rassurer. Emmanuel était maintenant ce qu'il avait été avant leur mariage. Ce n'était point par des protestations d'amour qu'il voulait gagner son cœur. Ce n'était point en profitant avec adresse des occasions que les circonstances lui donnaient. C'était par la délicatesse, par la persuasion, avec le temps comme seul allié. Il avait pris soin d'ailleurs de la fixer à ce sujet en calmant les inquiétudes qu'il avait vues en elle. « J'avais cru, lui avait-il dit, que vous auriez foi en ma parole. Je n'en doute pas, je l'espère, mais vous doutez que je puisse la tenir. Vous avez confiance dans ma sécurité, vous craignez ma faiblesse. Il faut donc que je vous répète ce que je vous ai déjà dit, mais en l'expliquant cette fois et en le précisant. Nous ne sommes plus dans des circonstances où l'échange de quelques mots seulement nous est permis. Nous avons devant nous tout le temps nécessaire, à moins qu'il ne vous déplaise de m'entendre aborder ce sujet. Il me déplairait que vous puissiez avoir une pareille pensée. Je ne l'ai point, et cependant je dois dire que je suis peinée de voir, toutes les fois que nous nous trouvons en tête à tête, un mouvement d'inquiétude, presque d'effroi chez vous. Si j'approche mon siège du vôtre, vous reculez. Si je vous tends la main, vous hésitez à me donner la vôtre. Ces remarques qui crèvent les yeux m'ont vivement affligé tout d'abord, mais en y réfléchissant, je me les suis expliquées par la peur que vous avez de me voir céder à un entraînement passionné. Si vous n'osez pas me donner la main, c'est que vous craignez de vous sentir prise dans mes bras. Votre attitude avec moi est celle d'une femme qui redoute les violences d'un homme dont elle se sait aimée. Est-ce vrai? C'est-à-dire? Ne vous défendez pas. Mon intention n'est pas de vous accuser. La faute n'est pas à vous. Elle est une conséquence de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Sans doute, il m'est pénible de penser que ma femme, il faut bien dire le mot, craint de me voir tomber à ses genoux. C'est là une douleur que vous pouvez sentir sans que je vous la montre. Mais enfin, je ne veux pas vous en rendre responsable. Quand notre mariage a été arrêté, j'ai prévu que ces premiers jours seraient difficiles. Rien de ce qui arrive maintenant ne me surprend donc, absolument. Si je ne voulais pas m'exposer à ces difficultés, je n'avais qu'à me retirer. Je ne l'ai point fait, car je ne suis pas de ceux qui ont besoin d'être portés par l'espérance pour entreprendre une chose. J'ai à ce moment envisagé notre situation dans le présent et dans l'avenir, et si vous le permettez, je vais vous dire quels ont été alors mes raisonnements, d'une part, et de l'autre, quels ont été mes projets. Parlez, je vous en prie. Dans le présent, je voyais votre pauvre père très désireux de vous marier avant de mourir, tandis que de votre côté, vous étiez absolument opposé à cette idée de mariage. Pour appuyer votre résistance, vous aviez, j'en conviens, d'excellentes raisons. Après plusieurs années d'intimité avec un homme jeune, plein d'esprit, séduisant sous tous les rapports, et que vos parents vous avaient donné comme fiancé, vous veniez d'être frappé par une brusque rupture. Pouviez-vous passer brusquement de la douleur très légitime que vous causait cette rupture à un nouveau projet de mariage? Si grand que fût l'aveuglement de l'amour que j'éprouvais pour vous, je ne me flattais point d'une pareille espérance. Et quand votre père voulut bien m'accorder votre main, il fut entendu qu'avant tout, nous laisserions autant le soin d'en jouir. Je vous prie de bien vouloir retenir ce point. J'étais un mari pour votre père. Pour vous, je ne devais être longtemps encore qu'un ami. Par malheur, la maladie ne permit point la réalisation de ces combinaisons. Votre père se sentit menacé, il se vit condamné, et avant de vous quitter, il voulut vous voir marié. J'ai assisté alors aux angoisses par lesquelles vous avez passé avant de vous décider à donner votre consentement. Les miennes, qui je l'espère, sont restées cachées, n'ont pas été moins vives. Mais enfin, ni vous ni moi n'avons cru qu'il était possible de refuser à cet excellent homme la suprême consolation de ce mariage. Ce fut au moment où notre décision fut devenue irrévocable que je vous avertis en quelques mots de mes intentions pour l'avenir et que je vous donnais ma parole de n'être votre mari que quand vous me choisiriez. Je n'ai oublié ni vos paroles, ni la délicatesse de votre démarche. Ne parlons que de mon engagement. Il voulait dire que nous devions vivre comme deux amis, sans que vous eussiez à craindre de me voir invoquer les droits que je tenais de la loi. Bien entendu, je ne renonçais pas à être votre mari, un jour. Mais je voulais que vous fussiez maîtresse de fixer vous-même ce jour. Jusque-là, je ne voulais avoir que le droit de vous entourer de mes soins et de ma tendresse. Ce que je promettais alors, je le promets encore. Ne voyez donc en moi qu'un ami, et vivez avec moi librement, sans crainte, comme avec un ami. En me voyant toujours près de vous, vous pourrez me mieux connaître. Ma tendresse qui vous effraie aujourd'hui vous paraîtra peut-être légitime. Peut-être penserez-vous que mon amour, que mon adoration, mérite autre chose que la froideur. Peut-être me trouverez-vous digne de vous. Alors votre main répondra à la mienne, votre regard au mien. J'aurai conquis ma femme. Jusque-là, je vous le répète, et s'il le faut, je vous le jure, je ne suis que votre amie. » Charlotte s'était abandonnée à cette parole qu'elle savait loyale. Puis un jour, longtemps, il est vrai, après cet entretien, ce que Narbanton avait entrevu dans l'avenir s'était réalisé. Et lorsqu'après ce voyage de 4 années, ils étaient revenus en France, elle aimait son mari. Sans doute, ce sentiment ne ressemblait en rien à celui qu'elle avait éprouvé autrefois pour Georges Saffarel. La voix de son mari ne lui donnait point des défaillances. Le bruit de son pas ne lui retentissait point dans le cœur. Elle ne vivait pas par ses yeux, mais enfin elle l'aimait d'une affection solide. Elle l'estimait, le respectait, sa confiance en lui, en son savoir et en sa parole était absolue. Il était pour elle l'homme honnête et bon par excellence. Elle était heureuse d'un bonheur tranquille qui paraissait devoir durer à jamais. Quant à lui, ce n'était pas de l'amour qu'il avait pour sa femme, c'était un culte, une adoration fanatique, et il se croyait le plus heureux homme de la terre. Fin de la section 32.